Intéressons-nous maintenant à une autre transformation que Michel Thomas affectionnait particulièrement. Les mots se terminant par « ence », « e-n-c-e » et « ence », « a-n-c-e » en français, deviennent très souvent « emphia », « e-n-c-i-a » et « amphia », « a-n-c-i-a » en espagnol. Ces mots-là sont aussi très nombreux. Si « influence » se dit « influencia », quel sera le mot pour « différence » ? D'accord, « diferencia ». Dites-le de nouveau. Diferencia. Diferencia. Ce mot n'a bien sûr qu'un seul petit f. Et j'espère que vous dites bien « diferencia » et non « diferencia ». En utilisant « comprender », C-O-M-P-R-E-N-D-E-R, comment diriez-vous « il y a une différence ici que je ne comprends pas ». Vous avez trouvé ?« Hay una diferencia aquí que no comprendo ». Comme nous l'avions vu dans les autres méthodes, hein, comprendre se dit aussi « entender ». E-N-T-E-N-D-E-R. « Entender » est d'ailleurs plus courant que « comprender ». En français, on emploie aussi « entendre » pour comprendre, dans des expressions comme « je t'entends bien » ou « je ne l'entends pas ainsi ». Mais cet usage est beaucoup moins courant qu'en espagnol. Relis-moi alors cette phrase avec « entender ». Il y a une différence ici que je ne comprends pas. Hay una diferencia aquí que no entiendo. Hay una diferencia aquí que no entiendo. Rappelez-vous que l'on dit « entiendo ». Le deuxième « e » de « entender » se scinde en « i » « e » sous la pression de l'accentuation. Comment dira-t-on « préférence » en espagnol ? On dit « preferencia ». Dites-moi alors, en utilisant « en particular », « en » plus loin, « p-a-r-t-i-c-u-l-a-r », as-tu une préférence en particulier ? Tienes una preferencia en particular? Redis-le encore une fois. Tienes una preferencia en particular? Tienes una preferencia en particular? Et comment direz-vous « j'espère que tu n'as pas de préférence particulière » ? Notez que vous exprimez un espoir et non une certitude, et que vous utilisez un verbe gogo, tener. Espero que no tengas una preferencia particular. Espero que no tengas una preferencia particular. Pour exprimer l'espoir, on utilise toujours le subjonctif, car il sert à décrire tout ce qui n'est pas réel, hein, tangible. Et dans ces cas-là, les verbes gogo deviennent gaga. Donc, comment diriez-vous à une personne que vous voyez « j'espère que vous n'avez pas de préférence » car je ne veux pas prendre de décision. Espero que no tenga una preferencia porque no quiero tomar una decisión. Espero que no tenga una preferencia porque no quiero tomar una decisión. Dans cette phrase, on vous voit notre interlocuteur mais sans utiliser usted qui signifie vous devant le verbe. En effet, en espagnol, les terminaisons des verbes sont différentes pour chaque personne. On sait donc de qui on parle. Il n'y a pas de confusion possible comme en français où l'on a par exemple « je chante »,« tu chantes »,« il chante ». On entend la même terminaison à l'oral. Il faut donc obligatoirement utiliser « je »,« tu »,« il ». En espagnol, ne faites pas précéder les verbes de « je »,« yo hein, »,« i »,« o »,« tu », »,« te », U accent aigu, tu, ou elle, et accent aigu, elle, il. Faisons maintenant un petit aparté. Comme vous le savez, la plupart des mots se terminant par a sont féminins en espagnol. Toutefois, il faut savoir que des mots tels que problema viennent du grec et qu'ils sont donc masculins. Comment vous diriez alors « c'est un problème » ? Bien sûr. Es un problema. es un problema. Maintenant, si ciudad, qui s'écrit C-I-U-D-A-D, signifie ville, comment direz-vous la violence est un problème dans beaucoup de villes? Et un petit rappel, beaucoup de se dit mucho. Et c'est un mot qui s'accorde avec celui qui le suit. Donc, comment diriez-vous la violence est un problème dans beaucoup de villes? La violencia es un problema en muchas ciudades. La violencia es un problema en muchas ciudades. Je vous disais juste avant que vous traduisiez la phrase hein, que mucho s'accorde avec le mot qui l'accompagne. On a donc utilisé muchas car le mot qui l'accompagne est ciudades, qui est féminin pluriel. Le de beaucoup de ne se traduit pas en espagnol. Donc, dans beaucoup de villes, se dit donc en muchas ciudades.